Deuxième partie de l'enregistrement. Si vous êtes membre de notre personnel ou en contact avec notre service, une de nos secrétaires prendra immédiatement votre appel. Si vous n'êtes pas membre de notre personnel et souhaitez déposer une candidature de stage ou d'emploi, veuillez nous écrire à l'adresse suivante info@dujean.fr ou consultez notre site internet www.dujean.fr où vous trouverez toutes les informations que vous désirez et un CV à compléter. Merci.